Chapitre 5. Au bon soin de Dieu. Et maintenant, qu'il me soit permis de prendre une vue d'ensemble de la colonie d'Antequerta. Si l'Astorontal et Carpena étaient au pouvoir du docteur, et celui-ci n'attendait plus que l'occasion de se remettre sur les traces de Sarcani. Quant à ses agents, chargés de découvrir la retraite de Madame Bathory, ils ne cessaient de poursuivre leurs recherches, inutilement jusqu'alors. Depuis que sa mère avait disparu, n'ayant pour appui que le vieux Boric, quel désespoir de tous les instants c'était pour Pierre Bathory, et quelle consolation le docteur eût-il pu apporter à ce cœur deux fois brisé. Lorsque Pierre lui parlait de sa mère, ne sentait-il pas qu'il parlait aussi de sa Bathorontal, dont le nom n'était jamais prononcé entre eux? Dans cette petite ville, la capitale d'Antequerta, non loin du Stadthaus, Maria Ferrato occupait une des plus jolies habitations d'Artenac. C'était là que la reconnaissance du docteur avait voulu lui assurer toutes les aises de la vie. Son frère y vivait près d'elle, quand il n'était pas à la mer, occupé à quelques services de transport ou de surveillance. Alors, pas un jour ne s'écoulait sans qu'il ne rendisse visite au docteur ou que celui-ci ne vînt les voir. Son affection, en les connaissant mieux, allait toujours croissant pour les enfants du pêcheur de Rovigno. « Combien nous serions heureux, » répétait souvent Maria, « si Pierre pouvait l'être. » « Il ne pourra l'être, » répondait Luigi, « que le jour où il aura retrouvé sa mère. Mais je n'ai pas perdu tout espoir, Maria. Avec les moyens dont dispose le docteur, il faudra bien que l'on découvre en quel endroit Boric a pu emmener Madame Bathory après avoir quitté Raguse. Moi aussi, j'ai toujours cet espoir, Luigi. Et pourtant, sa mère lui fut-elle rendue? Pierre serait-il donc consolé? Non, Maria, puisqu'il n'est pas possible que sa Bathorontal soit jamais sa femme. Luigi, répondit Maria, ce qui semble impossible à l'homme, est-il donc impossible à Dieu? Lorsque Pierre avait dit à Luigi que tous deux seraient frères, il ne connaissait pas encore Maria Ferrato. Il ne savait quelle sœur, tendre et dévouée, il allait trouver en elle. Aussi, quand il eut pu l'apprécier, n'hésita-t-il pas à lui confier toutes ses peines. Cela le calmait un peu lorsqu'ils venaient de causer ensemble. Ce qu'il ne voulait pas dire au docteur, ce dont il se défendait de lui parler, c'est à Maria qu'il en parlait. Il trouvait là un cœur aimant, ouvert à toutes les compassions, un cœur qui le comprenait, qui le consolait, une âme confiante en Dieu qui ne savait pas désespérer. Lorsque Pierre souffrait à l'excès, lorsqu'il fallait que le trop-plein de sa douleur s'échappât, il accourait près d'elle. Et que de fois Maria parvint à lui rendre un peu de confiance en l'avenir. Cependant, un homme était maintenant dans les casemates d'Antequerta qui devait savoir où se trouvait Sava et si elle était toujours au pouvoir de Sarcani. C'était celui qui l'avait fait passer pour sa fille. C'était Silas Torontal. Mais par respect pour la mémoire de son père, Pierre n'aurait jamais voulu le faire parler à ce sujet. D'ailleurs, depuis son arrestation, Silas Torontal était dans une telle situation d'esprit, dans une si grande prostration physique et morale, qu'il n'aurait rien pu dire, même si son intérêt eût été de le faire. Or, à tout prendre, il n'avait aucun intérêt à dévoiler ce qu'il savait de Sava, puisqu'il ignorait d'une part que ce fut le docteur Antequirt dont il était le prisonnier, et de l'autre que Pierre Bathory fut vivant sur cette île Antequerta dont le nom même lui était inconnu. Aussi, comme le disait Maria Ferrato, il n'y avait que Dieu qui pût dénouer cette situation. L'état actuel de la petite colonie ne serait pas complètement mis en lumière si l'on oubliait de mentionner Pointe Pescade et Cap Matifou dans cette revue du personnel d'Antequerta. Bien que Sarcani fût parvenu à s'échapper, bien que sa piste eût été perdue, la capture de Silas Torontal avait une telle importance qu'on ne ménagea pas les remerciements à Pointe Pescade. Livré à sa seule inspiration, ce brave garçon avait fait ce qu'il fallait faire en ces conjonctures. Or, du moment que le docteur était satisfait, les deux amis auraient été malvenus à ne point l'être. Ils avaient donc réintégré leur jolie habitation, en attendant qu'on eût besoin de leur service, et ils espéraient bien qu'ils pourraient encore être utiles à la bonne cause. Dès leur arrivée à Antequerta, Point Pescade et Cap Matifou avaient fait visite à Maria et à Luigi Ferrato. Puis ils s'étaient présentés chez quelques-uns des notables d'Arténac. Partout, on leur fit bon accueil, car partout ils s'étaient fait aimer. Il fallait voir Cap Matifou dans ces circonstances solennelles, toujours un peu embarrassé de son énorme personne qui encombrait un salon à elle seule. « Mais je suis si mince que cela compense », faisait observer Point Pescade. Quant à lui, il était la joie de la colonie qui l'amusait avec sa constante bonne humeur. Son intelligence et son adresse, il les mettait au service de tous. Ah, si les choses pouvaient s'arranger à la satisfaction générale, quelles fêtes ils organiseraient, quels programmes de plaisirs et d'attractions se dérouleraient dans la ville et aux alentours. Oui, s'il le fallait, Cap Matifou et Point Pescade n'hésiteraient pas à reprendre leur métier d'acrobate pour émerveiller la population antéquertienne. En attendant cet heureux jour, Point Pescade et Cap Matifou s'occupaient d'embellir leur jardin, ombragé de beaux arbres, et leur villa, qui disparaissait tout entière sous les fleurs. Les travaux du petit bassin commençaient aussi à prendre figure. En voyant Cap Matifou arracher et transporter d'énormes quartiers de roches, on pouvait constater que l'Hercule provençal n'avait rien perdu de sa force prodigieuse. Cependant, si les agents du docteur, en ce qui concernait Madame Bathory, n'avaient réussi à rien, ceux qui s'étaient lancés à la recherche de Sarkany n'avaient pas été plus heureux. Aucun d'eux n'avait pu découvrir en quel endroit ce misérable s'était réfugié depuis son départ de Monte-Carlo. Silas Torontal connaissait-il le lieu de sa retraite? C'était au moins douteux, étant donné les circonstances dans lesquelles ils avaient été séparés l'un de l'autre sur la route de Nice. D'ailleurs, en admettant qu'il le sût, consentirait-il à le dire? Le docteur attendait donc, très impatiemment, que le banquier fût en état de répondre pour tenter cette épreuve. C'était dans un fortin, établi à l'angle nord-ouest d'Arténac, que Silas Torontal et Carpena avaient été mis au secret le plus rigoureux. Tous deux se connaissaient, mais de nom seulement, car le banquier n'avait jamais été directement mêlé aux affaires de Sarkany en Sicile. Aussi, interdiction formelle de leur laisser même soupçonner qu'ils fussent ensemble dans ce fortin. Ils y occupaient deux casemates, éloignées l'une de l'autre, et ils n'en sortaient que pour prendre l'air dans des cours séparés. Sûrs de la fidélité de ceux qui les gardaient, c'étaient deux sergents de la milice d'Antequerta, le docteur pouvait être certain qu'aucun rapport ne s'établirait entre les deux prisonniers. Aucune indiscrétion à craindre non plus. À toutes les questions que Silas Torontal et Carpena adressaient sur le lieu de leur détention, ils n'avaient jamais été et ils ne seraient jamais répondu. Donc rien ne pouvait faire supposer, ni à l'un ni à l'autre, qu'ils fussent tombés au pouvoir de ce mystérieux docteur Antequerte, que le banquier connaissait pour l'avoir plusieurs fois rencontré à Raguse. Cependant, de retrouver Sarkany, de le faire enlever, comme avaient été enlevés ses deux complices, c'était l'incessante préoccupation du docteur. Aussi, vers le 16 octobre, après avoir constaté que Silas Torontal était maintenant en état de répondre aux questions qui lui seraient posées, résolut-il de faire procéder à son interrogatoire. D'abord, il se tint un conseil à ce sujet entre le docteur, Pierre et Luigi, auquel s'adjoignit Point Pescade, dont les avis n'étaient pas à dédaigner. Le docteur leur fit connaître son intention. Mais, fit observer Luigi, apprendre à Silas Torontal que l'on cherche à savoir où est Sarkany, n'est-ce pas lui faire soupçonner que c'est dans le but de s'emparer de son complice? Eh bien, répondit le docteur, quel inconvénient y a-t-il à ce que Silas Torontal le sache, maintenant qu'il ne peut plus nous échapper? Il y en a un, monsieur le docteur, répondit Luigi. Silas Torontal peut penser qu'il est de son intérêt de ne rien dire, qui soit de nature à nuire à Sarkany. Et pourquoi? Parce que ce serait nuire à lui-même. Puis-je faire une observation? Demanda Point Pescade, qui se tenait un peu à l'écart par discrétion. Certainement, mon ami, répondit le docteur. « Messieurs, reprit Point de Pescade, dans les circonstances particulières où ces deux gentlemen se sont séparés, j'ai lieu de croire qu'ils n'ont plus de ménagement à garder l'un envers l'autre. Monsieur Silas Dorontal doit détester cordialement Monsieur Sarcani, qui l'a conduit à la ruine. Si donc Monsieur Dorontal sait où se trouve actuellement Monsieur Sarcani, il n'hésitera pas à parler, je le pense du moins. S'il ne dit rien, c'est qu'il n'aura rien à dire. » Ce raisonnement ne manquait pas de justesse. Très vraisemblablement, au cas où le banquier saurait en quel lieu Sarcani était allé se réfugier, il ne se croirait pas obligé à garder le silence lorsque son propre intérêt serait de le rompre. « Nous allons savoir aujourd'hui même à quoi nous en tenir, » répondit le docteur. « Et si Torontal ne sait rien, ou s'il ne veut rien dire, j'aviserai. Mais comme il doit encore ignorer qu'il est au pouvoir du docteur Antekirt, comme il doit ignorer aussi que Pierre Bathory est vivant, ce sera Luigi qui se chargera de l'interroger. « Je suis entièrement à vos ordres, monsieur le docteur, » répondit le jeune homme. Luigi se rendit donc au Fortin et fut introduit dans la casemate qui servait de prison à Silas Dorontal. Le banquier était assis dans un coin, près d'une table. Il venait de quitter son lit. Nul doute que son état moral ne se fût très amélioré. Ce n'était point à sa ruine qu'il songeait maintenant, ni même à Sarcani. Ce qui l'inquiétait plus directement, c'était de savoir pourquoi et en quel lieu on le détenait, et quel était le puissant personnage qui avait eu intérêt à s'emparer de lui. Il ne savait que penser, il devait tout craindre. Lorsqu'il vit entrer Luigi Ferrato, il se leva, mais sur un signe qui lui fut fait, il reprit immédiatement sa place. Quant au très court interrogatoire qu'il subit dans cette visite, le voici. « Vous êtes Silas Dorontal, autrefois banquier à Trieste, et en dernier lieu, domicilié à Raguse. Je n'ai point à répondre à cette question, à ceux qui me retiennent prisonnier de savoir qui je suis. Ils le savent. Qui sont-ils? Vous l'apprendrez plus tard. Et vous, qui êtes-vous? Un homme qui a mission de vous interroger. Par qui? Par ceux auxquels vous avez des comptes à rendre. Encore une fois, quels sont-ils? Je n'ai pas à vous le dire. Dans ce cas, je n'ai rien à vous répondre. Soit. Vous étiez à Monte-Carlo avec un homme que vous connaissez de longue date et qui ne vous a point quitté depuis votre départ de Raguse. Cet homme, d'origine tripolitaine, s'appelle Sarcani. Il s'est échappé au moment où vous avez été arrêté sur la route de Nice. Or, voici ce que je suis chargé de vous demander. Savez-vous où est présentement cet homme? Et le sachant, voulez-vous le dire? Silas Dorontal se garda bien de répondre. Si l'on voulait savoir où était Sarcani, c'était évidemment pour s'emparer de sa personne, comme on s'était emparé de lui-même. Or, à quel propos? Était-ce pour des faits communs de leur passé, et plus spécialement pour les machinations relatives à la conspiration de Trieste? Mais comment ces faits étaient-ils connus? Et quel homme pouvait avoir intérêt à venger le comte Mathias Sandorf et ses deux amis, morts depuis plus de 15 ans? Voilà ce que le banquier se demanda tout d'abord. En tout cas, il avait lieu de croire qu'il n'était pas sous le coup d'une justice régulière, dont l'action menaçait de s'exercer sur son complice et sur lui, ce qui ne pouvait que l'inquiéter davantage. Aussi, bien qu'il ne mît pas en doute que Sarcani se fût réfugié à Tétuan, dans la maison de Namir, où devait se jouer sa dernière partie, et même en un délai assez restreint, résolut-il de ne rien dire à ce sujet. Si plus tard son intérêt lui ordonnait de parler, il parlerait. Mais jusque-là, il importait qu'il se tînt sur une extrême réserve. « Eh bien ?» demanda Luigi, après avoir laissé au banquier le temps de réfléchir. « Monsieur, répondit Silas Dorontal, je pourrais vous répondre que je sais où est ce Sarcani dont vous me parlez, et que je ne veux pas le dire. Mais en réalité, je l'ignore. C'est votre seule réponse? La seule et la vraie. » Là-dessus, Luigi se retira et vint rendre compte au docteur de son entretien avec Silas Dorontal. Comme la réponse du banquier n'avait rien d'inadmissible, en somme, il fallait bien s'en contenter. Donc, pour découvrir la retraite de Sarcani, il n'y avait plus qu'à multiplier les recherches, en épargnant ni soins ni argent. Mais en attendant que quelque indice lui permît de se remettre en campagne, le docteur eut à s'occuper de questions qui intéressaient gravement la sécurité d'Antequerta. des avis secrets lui étaient récemment arrivés des provinces de la Cyrénaïque. Ses agents recommandaient de surveiller, plus sévèrement, les parages du golfe de la Cidre. D'après eux, la redoutable association des Sénousistes semblait réunir ses forces sur la frontière de la Tripolitaine. Un mouvement général les portait peu à peu vers le littoral sirtique. Il se faisait un échange de messages par les rapides courriers du grand maître entre les divers Zaouyas de l'Afrique septentrionale. Des armes, expédiées de l'étranger, avaient été livrées et reçues pour le compte de la confrérie. Enfin, une concentration s'opérait visiblement dans le vilayet de Benghazi et par conséquent à proximité d'Antekerta. En prévision d'un péril qui pouvait être imminent, le docteur dut s'occuper de prendre toutes les mesures commandées par la prudence. Pendant les trois dernières semaines d'octobre, Pierre et Luigi le secondèrent très activement dans cette œuvre et tous les colons lui apportèrent leur concours. Plusieurs fois, Point de Pescade fut secrètement envoyé jusqu'au littoral de la Cyrénaïque afin de se mettre en rapport avec les agents et il fut constaté que le danger qui menaçait l'île n'était point imaginaire. Les pirates du Benghazi, renforcés par une véritable mobilisation des affiliés de toute la province, préparaient une expédition dont Antekerta devait être l'objectif. Cette expédition serait-elle prochaine? On ne put rien savoir à ce sujet. En tout cas, les chefs des Sénousistes se trouvaient encore dans les vilayettes du Sud et il était probable qu'aucune importante opération ne serait entreprise sans qu'ils fussent là pour la diriger. C'est pourquoi les électriques d'Antekerta eurent l'ordre de croiser dans les parages de la mer des Sirtes, aussi bien pour observer le littoral de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine que la côte de la Tunisie jusqu'au Cap Bon. Le dispositif des défenses de l'île, on le sait, n'était pas complètement achevé. Mais s'il n'était pas possible de le terminer en temps utile, du moins les approvisionnements en munitions de toutes sortes abondaient-ils dans l'arsenal d'Antekerta. Antekerta, séparé des rivages de la Cyrénaïque par une vingtaine de milles, serait absolument isolé dans le fond du golfe si un îlot connu sous le nom d'îlot Kencraft, mesurant 300 mètres de circonférence, n'émergeait à 2 milles de sa pointe sud-est. Dans la pensée du docteur, cet îlot devait servir de lieu de déportation si jamais un des colons méritait d'être déporté après condamnation prononcée par la justice régulière de l'île, ce qui ne s'était point encore produit. Aussi quelques baraquements y avaient-ils été établis pour cet usage. Mais en somme, l'îlot Kencraft n'était pas fortifié, et au cas où une flottille ennemie fût venue attaquer Antekerta, rien que par sa position, il constituait un véritable danger. En effet, il suffisait d'y débarquer pour faire de cet îlot une solide base d'opération. Avec toute facilité d'y déposer des munitions et des vivres, avec la possibilité d'y établir une batterie, il pouvait offrir à des assaillants un très sérieux point d'appui, et mieux eût valu qu'il n'existât pas, puisque le temps manquait pour le mettre en état de défense. La situation de l'îlot Kencraft, les avantages qu'un ennemi en pouvait tirer contre Antekerta, ne laissaient pas d'inquiéter le docteur. Aussi, tout bien pesé, résolut-il de le détruire, mais en même temps de faire servir sa destruction à l'anéantissement complet des quelques centaines de pirates qui se seraient risqués à en prendre possession. Ce projet fut immédiatement mis à exécution. À la suite de travaux pratiqués dans son sol, l'îlot Kencraft se trouva bientôt converti en un immense fourneau de mine qui fut relié à l'île Antekerta par un fil sous-marin. Il suffirait d'un courant électrique lancé au moyen de ce fil pour qu'il ne restât même plus trace de l'îlot à la surface de la mer. En effet, ce n'était ni à la poudre ordinaire, ni au fulmicoton, ni même à la dynamite que le docteur avait demandé ce formidable effet de destruction. Il connaissait la composition d'un agent explosif récemment découvert, dont la puissance brisante est si considérable qu'on a pu dire qu'il est à la dynamite ce que la dynamite est à la poudre ordinaire. Plus maniable que la nitroglycérine, plus transportable puisqu'il n'exige l'emploi que de deux liquides isolés dont le mélange ne se fait qu'au moment de s'en servir, réfractaire à la congélation jusqu'à 20 degrés au-dessous de zéro alors que la dynamite gèle à 5 ou 6, ne pouvant éclater que sous un choc violent, tel que l'explosion d'une capsule de fulminate, cet agent est d'un emploi aussi terrible que facile. Comment s'obtient-il? Tout simplement par l'action du protoxyde d'azote, pur et anhydride, à l'état liquide sur divers corps carburés, huile minérale, végétale, animale ou autre dérivée des corps gras. De ces deux liquides, inoffensifs séparément, solubles l'un dans l'autre, on en fait un seul, dans la proportion voulue, comme on ferait un mélange d'eau et de vin, sans aucun danger de manipulation. Telle est la panclastite, mot qui signifie « brisant tout ». Elle brise tout, en effet. Cet agent fut donc introduit sous forme de nombreuses fougasses dans le sol de l'îlot. Au moyen du fil sous-marin d'Antequerta, qui porterait l'étincelle dans les amorces de fulminate dont chaque fougasse était munie, l'explosion se produirait instantanément. Toutefois, comme il pouvait arriver que ce fil fût mis hors de service, par surcroît de précaution, un certain nombre d'appareils furent enterrés dans le massif de l'îlot et reliés entre eux par d'autres fils souterrains. Il suffisait alors que le pied, par hasard, vint frôler à la surface du sol les lamelles de l'un de ces appareils pour fermer le circuit, établir le courant, provoquer l'explosion. Il était donc difficile, si de nombreux assaillants débarquaient sur l'île Kencraft, qu'il échappât à une destruction absolue. Ces divers travaux étaient très avancés dès les premiers jours de novembre, lorsqu'un incident se produisit qui allait obliger le docteur à quitter l'île pendant quelques jours. Le 3 novembre, dans la matinée, le steamer, affecté au transport des charbons de Cardiff, vint mouiller dans le port d'Antequerta. Pendant sa traversée, le mauvais temps l'avait obligé de relâcher à Gibraltar. Là, bureau restant, le capitaine trouva une lettre à l'adresse du docteur, lettre que les offices du littoral faisaient suivre depuis quelque temps, sans qu'elle pût arriver à son destinataire. Le docteur prit cette lettre, dont l'enveloppe était timbrée des cachets de Malte, Catane, Raguse, Ceuta, Otrante, Malaga, Gibraltar. La suscription, grosse écriture tremblée, était évidemment d'une main qui n'avait plus l'habitude, ni peut-être la force, de tracer quelques mots. En outre, l'enveloppe ne portait qu'un nom, celui du docteur, avec cette recommandation touchante. Le docteur Antekirt, au bon soin de Dieu. Le docteur brisa l'enveloppe, ouvrit la lettre, une feuille de papier jaunie déjà, et il lut ce qui suit. « Monsieur le docteur, que Dieu fasse tomber cette lettre entre vos mains. Je suis bien vieux, je puis mourir, elle sera seule au monde. Pour les derniers jours d'une vie qui a été si douloureuse, ayez pitié de Madame Bathory. Venez à son aide, venez. Votre humble serviteur, Boric. » Puis, dans un coin, ce nom, Carthage, et au-dessous, ces mots, Régence de Tunis. Le docteur était seul dans le salon du Stadthaus au moment où il venait de prendre connaissance de cette lettre. Ce fut un cri de joie et de désespoir qui lui échappa à la fois. De joie, car il retrouvait enfin les traces de Madame Bathory. De désespoir ou de crainte, plutôt, car les timbres de l'enveloppe indiquaient que la lettre avait déjà plus d'un mois de date. Luigi fut aussitôt mandé. « Luigi, dit le docteur, préviens le capitaine Kedrick de tout disposer pour que le ferrato soit sous pression dans 2 heures. »« Dans 2 heures, il sera en mesure de prendre la mer, » répondit Luigi. « Est-ce pour votre service, monsieur le docteur ?»« Oui. S'agit-il d'une longue traversée ?»« 3 ou 4 jours seulement. »« Vous partez seul ?»« Non. Occupe-toi de chercher Pierre et dis-lui de se tenir prêt à m'accompagner. » »« Pierre est absent, mais avant 1 heure, il sera revenu des travaux de l'îlot Kencraft. Je désire aussi que ta sœur s'embarque avec nous, Luigi, qu'elle fasse à l'instant ses préparatifs de départ. À l'instant. » Et Luigi sortit aussitôt pour faire exécuter les ordres qu'il venait de recevoir. 1 heure après, Pierre arrivait au Stadthaus. « Lis, dit le docteur. » Et il lui tendit la lettre de Boric. Chapitre 6. L'apparition. Le steam yacht appareilla un peu avant midi sous le commandement du capitaine Kedrick et du second Luigi Ferrato. Il n'avait pour passagers que le docteur, Pierre et Maria, chargés de donner ses soins à Madame Bathory pour le cas où il serait impossible de la transporter immédiatement de Carthage à Antequerta. Sans qu'il soit nécessaire d'y insister, on comprend ce que devaient être les angoisses de Pierre Bathory. Il savait où était sa mère, il allait la rejoindre. Mais pourquoi Boric l'avait-il emmenée si précipitamment de Raguse et sur cette côte lointaine de la Tunisie? Dans quelle misère devait-il s'attendre à les retrouver, tous deux? À ces douleurs que Pierre lui confiait, Maria ne cessait de répondre par des paroles de reconnaissance et d'espoir. Visiblement, elle sentait l'intervention de la Providence dans le fait de cette lettre qui venait d'arriver au docteur. Ordre avait été donné d'imprimer au Ferrato son maximum de vitesse. Aussi les appareils surchauffeurs aidants dépassa-t-il 15 000 à l'heure en moyenne. Or, la distance entre le fond du golfe de la Cidre et le Cap Bon, situé à l'extrémité nord-est de la pointe tunisienne, n'est que de 1000 km au plus. Puis du Cap Bon jusqu'à la Goulette, qui forme le port de Tunis, il n'y a qu'une heure et demie de traversée pour un rapide steam yacht. En 30 heures, à moins de mauvais temps ou d'accident, le Ferrato devait donc être arrivé à destination. La mer était belle en dehors du golfe. Mais le vent soufflait du nord-ouest, sans indiquer cependant une tendance à s'accroître. Le capitaine Kedrick fit porter sur le Cap Bon, un peu au-dessous, afin de rencontrer plus promptement l'abri de la terre, pour le cas où la brise viendrait à fraîchir. Il ne devait donc point prendre connaissance de l'île de Pantellaria, située à mi-chemin à peu près entre le Cap Bon et Malte, puisqu'il avait l'intention de longer le cap d'aussi près que possible. En s'arrondissant en dehors du golfe de la Cidre, la côte s'échancre largement à l'ouest et décrit une courbe de grands rayons. Là se développe plus spécialement le littoral de la régence de Tripoli, qui remonte jusqu'au golfe de Gabès, entre l'île Djerba et la ville de Sfax. Puis la côte revient un peu dans l'est, vers le cap d'Ignace, pour former le golfe d'Amamet. Elle se développe alors, sud et nord, jusqu'au Cap Bon. Ce fut en réalité sur ce golfe d'Amamet que le Ferrato prit direction. C'est là qu'il devait tout d'abord rallier la terre, de manière à ne plus la quitter jusqu'à la Goulette. Pendant cette journée du 3 novembre et dans la nuit suivante, la houle du large grossit sensiblement. Il ne faut que peu de vent pour lever cette mer des Sirtes, à travers laquelle se propagent les courants les plus capricieux de la Méditerranée. Mais dès le lendemain, vers 8 heures, la terre fut signalée précisément à la hauteur du cap d'Ignace. Et sous l'abri de cette côte élevée, la navigation devint belle et rapide. Le Ferrato longeait le rivage à moins de 2 milles et l'on pouvait en observer tous les détails. Au-delà du golfe d'Amamet, par la latitude de Kelibia, il rangea de plus près encore la petite anse de Sidi Youssouf, couverte au nord par un long semis de roches. En retour s'étend une magnifique grève de sable. Sur l'arrière se profile une succession de mamelons couverts de petits arbustes rabougris poussés dans un sol plus riche de pierres que d'humus. Au fond, de hautes collines se relient au Djebel qui forme les montagnes de l'intérieur. Ça et là, un marabout abandonné, comme une sorte de tache blanche, se perd dans la verdure des croupes lointaines. Au premier plan apparaît un petit fortin en ruine, et plus haut, un fort en meilleur état, bâti sur le mamelon qui ferme, au nord, l'anse de Sidi Youssouf. Cependant, l'endroit n'était pas désert. Sous l'abri des roches, plusieurs navires levantins, Chébec et Polacre, étaient mouillés à une demi-encablure de la côte par 5 ou 6 brasses. Mais telle est la transparence de ces vertes eaux, qu'on voyait nettement le fond de pierres noires et de sable légèrement striés, sur lequel mordaient les ancres, auxquelles la réfraction donnait des formes fantastiques. Le long de la grève, au pied de petites dunes semées de lentisques et de tamarins, un douar composé d'une 20aine de gourbis montrait ses tentes de toiles rayées de jaune d'étain. On eût dit un vaste manteau arabe jeté en désordre sur le rivage. Hors des plis du manteau, paissaient des moutons et des chèvres, de loin semblables à de gros corbeaux noirs dont un seul coup de feu eût fait envoler la bande criarde. Une dizaine de chameaux, les uns allongés sur le sable, les autres immobiles, comme s'ils eussent été pétrifiés, ruminaient près d'une étroite lisière de roche qui pouvait servir de quai de débarquement. Tout en passant devant l'anse de Sidi Youssouf, le docteur put observer qu'on mettait à terre des munitions, des armes et même quelques petites pièces de campagne. Par sa situation éloignée sur les confins littoraux de la régence de Tunis, l'anse de Sidi Youssouf ne se prêtait que trop aisément à ce genre de contrebande. Luigi fit remarquer au docteur le débarquement qui se faisait alors sur cette plage. « Oui, Luigi, répondit-il. Et si je ne me trompe, ce sont des Arabes qui viennent prendre livraison d'armes de guerre. Ces armes sont-elles destinées aux montagnards pour combattre les troupes françaises qui viennent de débarquer en Tunisie? Je ne sais trop que penser. Ne serait-ce pas plutôt pour le compte de ces nombreux affiliés du sénousisme, pirates de terre ou pirates de mer, dont la concentration s'opère actuellement dans la Cyrénaïque? En effet, il me semble reconnaître parmi ces Arabes plutôt des types de l'intérieur de l'Afrique que ceux de la province tunisienne. Mais, demanda Luigi, comment les autorités de la Régence, ou tout au moins les autorités françaises, ne se posent-elles pas à ce débarquement d'armes et de munitions? À Tunis, on ne sait guère ce qui se passe sur ce revers du Cap Bon, répondit le docteur. Et lorsque les Français seront maîtres de la Tunisie, il est à craindre que tout ce revers oriental des Djebel leur échappe pour longtemps encore. Quoi qu'il en soit, ce débarquement m'est très suspect, et n'était notre vitesse qui met le ferrato hors de ses atteintes, je pense que cette flottille n'eût pas hésité à l'attaquer. Si telle était la pensée des Arabes, comme le disait le docteur, il n'y avait rien à craindre en effet. Le steam yacht, en moins d'une demi-heure, eût dépassé la petite rade de Sidi Youssouf. Puis, après avoir atteint l'extrémité du Cap Bon, si puissamment découpé dans le massif tunisien, il doubla rapidement le phare qui éclaire sa pointe, tout hérissé de roches d'un entassement superbe. Le ferrato donna alors à pleine vitesse à travers ce golfe de Tunis, compris entre le Cap Bon et le Cap Carthage. Sur sa gauche se développait la série des escarpements du Djebel Bonkarna, du Djebel Rossas et du Djebel Zaghouan, avec quelques villages enfouis çà et là au fond de leur gorge. À droite, dans toute sa splendeur de casbah arabe en pleine lumière, éclatait la cité sainte de Sidi Bou Saïd, qui fut peut-être un des faubourgs de la Carthage antique. À l'arrière-plan, Tunis, toute blanche de soleil, se haussait au-dessus du lac de Baïra, un peu en arrière de ce bras que la goulette tend à tous les débarqués des paquebots de l'Europe. À une distance de 2 ou 3 milles du port, était mouillée une escadre de vaisseaux français. Puis, moins au large, se balançaient sur leurs chaînes quelques bâtiments de commerce dont les pavillons d'hiver donnaient à cette rade une grande animation. Il était 1 heure lorsque le ferrato laissa tomber l'ancre à 3 encablures du port de la Goulette. Après que les formalités de la santé eurent été remplies, la libre pratique fut donnée aux passagers du steam yacht. Le docteur Antekirt, Pierre, Luigi et sa sœur prirent place dans la baleinière qui déborda aussitôt. Après avoir tourné le môle, elle se glissa à travers cet étroit canal, toujours encombré d'embarcations qui se rangent debout aux 2 quais, et elle arriva devant cette place irrégulière, plantée d'arbres, bordée de villas, d'agences, de cafés, sur laquelle fourmillent maltais, juifs, arabes, soldats français et indigènes, à l'entrée de la principale rue de la Goulette. La lettre de Boric était datée de Carthage, et ce nom, avec quelques ruines perdues à la surface du sol, est tout ce qui reste de la cité d'Hannibal. Pour se rendre à la grève de Carthage, il n'est pas nécessaire de prendre le petit chemin de fer italien qui dessert la Goulette et Tunis en contournant le lac de Baïra, soit par la plage dont le sable dur et fin offre aux piétons un excellent sol de promenade, soit par une route poussiéreuse percée à travers la plaine un peu en arrière, on arrive aisément à la base de la colline qui porte la chapelle de Saint-Louis et le couvent des missionnaires algériens. Au moment où le docteur et ses compagnons débarquèrent, plusieurs voitures attelées de petits chevaux attendaient sur la place. Montez dans l'une de ces voitures, donnez l'ordre au cocher de marcher rapidement vers Carthage, cela fut fait en un instant. La voiture, après avoir suivi la rue principale de la Goulette, au grand trot de son attelage, passa entre ces villas somptueuses que les riches Tunisiens habitent pendant la saison des grandes chaleurs, et ces palais de Kéredine et de Mustapha qui s'élèvent sur le littoral aux abords des anciens ports de la cité carthaginoise. Il y a plus de 2000 ans, la rivale de Rome couvrait toute cette plage, depuis la pointe de la Goulette jusqu'au cap qui a conservé son nom. La chapelle de Saint-Louis, construite sur un monticule haut de 200 pieds, s'élève à la place même où il est admis que le roi de France est mort en 1270. Elle occupe le centre d'un petit enclos qui compte plus de débris antiques, de fragments d'architecture, de morceaux de statues, de vases, de cypesses, de colonnes, de chapiteaux, de stèles, que d'arbres ou d'arbustes. En arrière se trouve le couvent des missionnaires, dont le père de Lattre, savant archéologue, est actuellement le prieur. Des hauteurs de cet enclos, on domine toute la grève de sable, depuis le cap Carthage jusqu'aux premières maisons de la Goulette. Au pied du monticule s'élèvent quelques palais de construction arabe, avec ses piers à la mode anglaise qui profilent sur la mer leurs élégantes estacades auxquelles peuvent accoster les embarcations de la rade. Au-delà, c'est ce golfe superbe dont tous les promontoires, toutes les pointes, toutes les montagnes, à défaut de ruines, sont du moins dotées d'un souvenir historique. Mais s'il y a des palais et des villas jusqu'à l'emplacement des anciens ports de guerre et de commerce, on trouve aussi, çà et là, éparses dans les plis de la colline, au milieu des pierres éboulées sur un sol grisâtre et presque impropre à la culture, de pauvres maisonnettes où vivent les misérables de l'endroit. La plupart n'ont d'autre métier que de chercher à la surface ou dans la première couche du sol des débris plus ou moins précieux de l'époque carthaginoise, bronze, pierre, poterie, médailles, monnaie, que le couvent veut bien leur acheter pour son musée d'archéologie, plutôt par pitié que par besoin. Quelques-uns de ces refuges n'ont que 2 ou 3 pans de mur. On dirait des ruines de marabouts qui sont restées blanches sous le climat de ce rivage ensoleillé. Le docteur et ses compagnons allaient de l'un à l'autre. Ils les visitaient et cherchaient la demeure de Madame Bathory, ne pouvant croire qu'elle fût réduite à ce degré de misère. Soudain, la voiture s'arrêta devant une construction délabrée dont la porte n'était qu'une sorte de trou percé dans une muraille à demi perdue sous les herbes. Une vieille femme, couverte d'une cape noirâtre, était assise devant cette porte. Pierre l'avait reconnue. Il avait poussé un cri. C'était sa mère. Il s'élança, il s'agenouilla devant elle, il la serra dans ses bras. Mais elle ne répondait pas à ses caresses. Elle ne semblait pas le reconnaître. « Ma mère, ma mère !» s'écriait-il pendant que le docteur, Luigi, sa sœur, se pressait autour d'elle. En ce moment, à l'angle de la ruine, parut un vieillard. C'était Boric. Tout d'abord, il reconnut le docteur Antekirt et ses genoux fléchirent. Puis il aperçut Pierre, Pierre dont il avait accompagné le convoi jusqu'au cimetière de Raguse. Ce fut trop pour lui. Il tomba sans mouvement pendant que ses mots s'échappaient de ses lèvres. Elle n'a plus sa raison. Ainsi, au moment où ce fils retrouvait sa mère, ce qui restait d'elle, ce n'était plus qu'un corps inerte. Et la vue de son enfant, qu'elle devait croire mort, qui reparaissait soudain à ses yeux, n'avait pas suffi à lui rendre le souvenir du passé. Madame Bathory s'était relevée, les yeux hagards, mais vives encore. Puis, sans avoir rien vu, sans avoir prononcé une seule parole, elle rentra dans le marabout où Maria la suivit sur un signe du docteur. Pierre était demeuré immobile devant la porte, sans oser, sans pouvoir faire un pas. Cependant, grâce aux soins du docteur, Boric venait de reprendre connaissance, et il s'écriait « Vous, monsieur Pierre, vous, vivant ?» « Oui, répondit Pierre, oui, vivant, quand il vaudrait mieux que je fusse mort. » En quelques mots, le docteur mit Boric au courant de ce qui s'était passé à Raguse. Puis, à son tour, le vieux serviteur fit, non sans peine, le récit de ces 2 mois de misère. « Mais, avait d'abord demandé le docteur, est-ce la mort de son fils qui a fait perdre la raison à Madame Bathory ?»« Non, monsieur, non, » répondit Boric. Et voici ce qu'il raconta. Madame Bathory, restée seule au monde, avait voulu quitter Raguse, et elle était allée demeurer au village de Vinticello, où elle avait encore quelques membres de sa famille. Pendant ce temps, on devait s'occuper de réaliser le peu qu'elle possédait dans sa modeste maison, son intention étant de ne plus l'habiter. 6 semaines après, accompagnée de Boric, elle revint à Raguse pour terminer ses affaires. Et lorsqu'elle fut arrivée à la rue Marinella, elle trouva une lettre qui avait été déposée dans la boîte de la maison. Cette lettre lut, comme si cette lecture eût causé un premier ébranlement à sa raison, Madame Bathory jeta un cri, s'élança dans la rue, descendit en courant vers le Stradone, le traversa et vint frapper à la porte de l'hôtel Torontal qui s'ouvrit aussitôt. « L'hôtel Torontal ? » s'écria Pierre. « Oui, répondit Boric, et quand je fus parvenu à rejoindre Madame Bathory, elle ne me reconnut pas. Elle était... Mais pourquoi ma mère allait-elle à l'hôtel Torontal ? Oui, pourquoi ? » répétait Pierre, qui regardait le vieux serviteur, comme s'il eût été hors d'état de le comprendre. « Elle voulait sans doute parler à Monsieur Torontal, » répondit Boric. « Et depuis 2 jours, Monsieur Torontal avait quitté l'hôtel avec sa fille, sans que l'on sût où il était allé. « Et cette lettre ?»« Je n'ai pu la retrouver, Monsieur Pierre, » répondit le vieillard. « Et soit que Madame Bathory l'ait perdue ou détruite, soit qu'on la lui ait prise, je n'ai jamais su ce qu'elle contenait. » Il y avait là un mystère. Le docteur, qui avait écouté ce récit sans prononcer une parole, ne savait comment expliquer cette démarche de Madame Bathory. Quel impérieux motif avait donc pu la pousser vers cet hôtel du Stradone dont tout devait l'écarter ? Et pourquoi, en apprenant la disparition de Silas Torontal, avait-elle éprouvé une si violente secousse qu'elle était devenue folle ? Le récit du vieux serviteur fut achevé en quelques instants. Après avoir réussi à cacher l'état de Madame Bathory, il s'occupa de réaliser les dernières ressources qui leur restaient. La folie, calme et douce, de la malheureuse veuve, lui avait permis d'agir sans exciter aucun soupçon. Quitter Raguse, se réfugier n'importe où, à la condition que ce fût loin de cette ville maudite, il ne voulait pas autre chose. Quelques jours plus tard, il parvint à s'embarquer avec Madame Bathory sur un de ces paquebots qui font le service du littoral méditerranéen, et il arriva à Tunis, ou plutôt à la Goulette. C'est là qu'il prit la résolution de s'arrêter. Et alors, au fond de ce marabout abandonné, le vieillard se donna tout entier aux soins nécessités par l'état mental de Madame Bathory, qui semblait avoir perdu la parole en même temps que la raison. Mais ses ressources étaient si minimes qu'il vit le moment très prochain où tous deux seraient réduits à la dernière misère. Ce fut dans ces conditions que le vieux serviteur se souvint du docteur Antekirt, de l'intérêt que lui avait toujours inspiré la famille d'Étienne Bathory. Mais Boric ne savait pas quelle était sa résidence habituelle. Il lui écrivit cependant, et cette lettre, qui contenait un appel désespéré, il la confia aux soins de la Providence. Or, il paraît que la Providence fait assez bien son service postal, puisque la lettre était arrivée à son adresse. Ce qu'il y avait à faire maintenant était tout indiqué. Madame Bathory, sans faire aucune résistance, fut conduite à la voiture dans laquelle elle prit place avec son fils, Boric, et Maria, qui ne devait plus la quitter. Puis, pendant que la voiture reprenait le chemin de la Goulette, le docteur et Luigi revinrent à pied en suivant la lisière de la plage. 1 heure après, tous s'embarquaient à bord du steam yacht, qui était resté en pression. L'ancre fut aussitôt levée, et dès qu'il eut doublé le cap Bon, le ferrato alla prendre connaissance des feux de Pantellaria. Le surlendemain, aux premières lueurs du jour, il mouillait dans le port d'Antequirta. Madame Bathory fut immédiatement débarquée, conduite à Artenac, installée dans une des chambres du Stadthaus, et Maria quitta sa maison pour venir demeurer près d'elle. Quel nouveau sujet de douleur pour Pierre Bathory! Sa mère, privée de raison, sa mère, devenue folle, dans des circonstances qui allaient rester sans doute inexplicables. Et encore, si la cause de cette folie eût été connue, peut-être aurait-on pu provoquer quelque salutaire réaction. Mais on ne savait rien, on ne pouvait rien savoir. Il faut la guérir, oui, il le faut, s'était dit le docteur qui se dévoua tout entier à cette tâche. Tâche difficile, cependant, car Madame Bathory ne cessa pas de rester dans une complète inconscience de ses actes, et jamais un souvenir du passé ne reparaissait en elle. Et pourtant cette puissance de suggestion que le docteur possédait à un si haut degré, dont il avait déjà donné de si incontestables preuves, n'était-ce pas le cas de l'employer pour modifier l'état mental de Madame Bathory? Ne pouvait-on, par influence magnétique, rappeler la raison en elle et l'y maintenir jusqu'à ce que la réaction se fût produite? Pierre Bathory adjurait le docteur de tenter même l'impossible pour guérir sa mère. Non, répondait le docteur, cela même ne pourrait réussir. Les aliénés sont précisément les sujets les plus réfractaires à ce genre de suggestion. Pour éprouver cette influence, Pierre, il faudrait que ta mère eût encore une volonté personnelle à laquelle je puisse substituer la mienne. Je te le répète, cela serait sans effet sur elle. Non, je ne veux pas l'admettre, reprenait Pierre, qui ne pouvait se rendre. Je ne veux pas admettre que ma mère n'arrive un jour à reconnaître son fils qu'elle croit mort. Oui, qu'elle croit mort, répondit le docteur, mais peut-être, si elle te croyait vivant, ou bien si, amenée devant ta tombe, elle te voyait apparaître. Le docteur s'était arrêté sur cette idée. Pourquoi une telle secousse morale, provoquée dans des conditions favorables, n'agirait-elle pas sur Madame Bathory? Je le tenterai, s'écria-t-il. Et lorsqu'il eut dit sur quelle épreuve il basait l'espoir de guérir sa mère, Pierre tomba dans les bras du docteur. À partir de ce jour, la mise en scène qui pouvait amener le succès de cette tentative fut l'objet de tous leurs soins. Il ne s'agissait de rien moins que de raviver en Madame Bathory les effets du souvenir anéanti par son état actuel, et cela dans des circonstances tellement saisissantes qu'une réaction put se produire en son esprit. Le docteur fit donc appel à Boric, à Pointe-Pescade, afin de reconstituer avec une exactitude suffisante la disposition du cimetière de Raguse et la forme du monument funéraire qui servait de tombeau à la famille Bathory. Or, dans le cimetière de Lille, à 1 mille d'Artenac, sous un groupe d'arbres verts, s'élevait une petite chapelle à peu de choses près pareille à celle de Raguse. Il n'y eut qu'à tout disposer pour rendre plus frappante la ressemblance des deux monuments. Puis, sur le mur du fond, on plaça une plaque de marbre noir portant le nom d'Étienne Bathory avec la date de sa mort, 1867. Le 13 novembre, le moment sembla venu de commencer les épreuves préparatoires afin de réveiller la raison chez Madame Bathory et par une gradation presque insensible. Vers 7 heures du soir, Maria, accompagnée de Boric, prit la veuve par le bras. Puis, après l'avoir fait sortir du Stadthaus, elle la conduisit à travers la campagne jusqu'au cimetière. Là, devant le seuil de la petite chapelle, Madame Bathory resta inerte et muette, comme elle l'était toujours, bien qu'à la clarté d'une lampe qui brillait à l'intérieur, elle eût pu lire le nom d'Étienne Bathory gravé sur la plaque de marbre. Seulement, lorsque Maria et le vieillard se furent agenouillés sur la marche, il y eut dans son regard une sorte d'éclair qui s'éteignit aussitôt. Une heure après, Madame Bathory était de retour au Stadthaus, et avec elle, tous ceux qui, de près ou de loin, l'avaient suivie pendant cette première expérience. Le lendemain et les jours suivants, on recommença ces épreuves qui ne donnèrent aucun résultat. Pierre les avait observées avec une émotion poignante et se désespérait déjà de leur inanité, bien que le docteur lui répétât que le temps devait être son plus utile auxiliaire. Aussi ne voulait-il frapper le dernier coup que lorsque Madame Bathory paraîtrait suffisamment préparée pour en ressentir toute la violence. Toutefois, à chaque visite au cimetière, un certain changement qu'on ne pouvait méconnaître se produisait dans l'état mental de Madame Bathory. Ainsi, un soir, lorsque Boric et Maria se furent agenouillés sur le seuil de la chapelle, Madame Bathory, qui était restée un peu en arrière, se rapprocha lentement, mit sa main sur la grille de fer, regarda la paroi du fond, vivement éclairée par la lampe, et se retira précipitamment. Maria, revenue près d'elle, l'entendit alors murmurer un nom à plusieurs reprises. C'était la première fois depuis si longtemps que les lèvres de Madame Bathory s'entr'ouvraient pour parler. Mais alors, quel fut l'étonnement, plus que de l'étonnement, la stupéfaction, de tous ceux qui purent l'entendre. Ce nom, ce n'était pas celui de son fils, ce n'était pas celui de Pierre, c'était le nom de Sava. Si l'on comprend ce que dut ressentir Pierre Bathory, qui pourrait peindre ce qui se passa dans l'âme du docteur à cette évocation si inattendue de Sava Thorontal? Il ne fit aucune observation, cependant, il ne laissa rien voir de ce qu'il venait d'éprouver. Un autre soir encore, l'épreuve fut reprise. Cette fois, Madame Bathory, comme si elle eût été conduite par une main invisible, vint s'agenouiller d'elle-même sur le seuil de la chapelle. Sa tête se courba alors, un soupir gonfla sa poitrine, une larme tomba de ses yeux. Mais ce soir-là, pas un nom ne s'échappa de ses lèvres, et on eût pu croire qu'elle avait oublié celui de Sava. Madame Bathory, ramenée au Stadthaus, se montra en proie à une de ces agitations nerveuses dont elle n'avait plus l'habitude. Ce calme, qui jusqu'alors avait été la caractéristique de son état mental, fit place à une singulière exaltation. En ce cerveau, il se faisait évidemment un travail de vitalité qui était de nature à donner bien de l'espoir. En effet, la nuit fut troublée et inquiète. Madame Bathory, à plusieurs reprises, laissa entendre quelques vagues paroles que Maria put à peine saisir. Mais il fut constant qu'elle rêvait. Et si elle rêvait, c'est que la raison commençait à lui revenir. C'est qu'elle serait guérie si sa raison se maintenait dans l'état de veille. Aussi le docteur résolut-il de faire, dès le lendemain, une nouvelle tentative en l'entourant d'une mise en scène plus saisissante encore. Pendant toute cette journée du 18, Madame Bathory ne cessa d'être sous l'empire d'une violente surexcitation intellectuelle. Maria en fut très frappée, et Pierre, qui passa presque tout ce temps près de sa mère, éprouva un pressentiment du plus heureux augure. La nuit arriva, une nuit noire, sans un souffle de vent, après une journée qui avait été chaude sous cette basse latitude d'Antequerta. Madame Bathory, accompagnée de Maria et de Boric, quitta le Stadthaus vers 8h30. Le docteur, un peu en arrière, la suivait avec Luigi et Pointe-Pescade. Toute la petite colonie était dans une anxieuse attente de l'effet qui allait peut-être se produire. Quelques torches, allumées sous les grands arbres, projetaient une lueur fuligineuse aux abords de la chapelle. Au loin, à intervalles réguliers, la cloche de l'église d'Arthénac sonnait comme pour un glas d'enterrement. Seul Pierre Bathory manquait à ce cortège qui s'avançait lentement à travers la campagne. Mais s'il l'avait devancé, c'était pour n'apparaître qu'au dénouement de cette suprême épreuve. Il était environ 9h lorsque Madame Bathory arriva au cimetière. Soudain, elle abandonna le bras de Maria Ferrato et s'avança vers la petite chapelle. On la laissa librement agir, sous l'empire du nouveau sentiment qui semblait la dominer tout entière. Au milieu d'un profond silence, interrompu seulement par les tintements de la cloche, Madame Bathory s'arrêta et demeura immobile. Puis, après s'être agenouillée sur la première marche, elle se courba, et alors on l'entendit pleurer. À ce moment, la grille de la chapelle s'ouvrit lentement. Couvert d'un linceul blanc, comme s'il fût sorti de sa tombe, Pierre apparut en pleine lumière. « mon fils !» s'écria Madame Bathory, qui tendit les bras et tomba sans connaissance. Peu importait. Le souvenir et la pensée venaient de renaître en elle. La mère s'était révélée, elle avait reconnu son fils. Les soins du docteur l'eurent bientôt ranimée, et lorsqu'elle eut repris connaissance, lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de son fils, « Vivant, mon Pierre, vivant !» s'écria-t-elle. « Oui, vivant pour toi, ma mère, vivant pour t'aimer. » « Et pour l'aimer, elle aussi. »« Elle ? Elle, ça va ?» « Ça va, Thorontal ?» s'écria le docteur. « Non, ça va, Sandorf. » Et Madame Bathory, prenant dans sa poche une lettre froissée qui contenait les dernières lignes écrites de la main de Madame Thorontal mourante, l'attendit au docteur. Ces lignes ne pouvaient laisser aucun doute sur la naissance de Sava. Sava était l'enfant qui avait été enlevé du château d'Arthénac. Sava était la fille du comte Mathias Sándor.